La fausse Esther de Pierre-Louis. Au milieu du catalogue rouge, je lus ce prodigieux article. Manuscrit, fragment d'un journal intime, 1836-1839, par Mademoiselle Esther van Gosbeck, philosophe néerlandaise. 50 francs. Intéressant, détail inédit sur Fichte. Les principaux types romanesques, dont le public conserve le souvenir, acquièrent souvent une célébrité qui dépasse celle des personnages historiques de même ordre. Si peu balzacien que puisse être le lecteur, il me permettra de supposer qu'il n'ignore pas Esther Gobseck. Lui-même, lisant cette annonce, eut manifesté une extrême surprise, personne n'en saurait douter. Une heure plus tard, j'étais chez le libraire et le document m'appartenait. On voulut l'envelopper, je n'y consentis pas, et dans la voiture qui me ramenait, je commençais à l'examiner. Mon acquisition était une sorte de registre couvert d'un papier à fleurs. À la première page, Mademoiselle Gobseck, ou plutôt son homonyme, avait aquarellé d'une main timide et sage deux bouquets de roses liés par un ruban d'azur. Une hirondelle et un papillon, qui se trouvaient être de la même taille, volaient au-dessus de la composition, et vers le milieu de la feuille se lisait cette calligraphie. Deuxième cahier de mon journal, commencé le 5 mars 1836, anniversaire, terminé le... Le catalogue avait dit vrai. Mademoiselle Gobseck parlait de Fichte, sinon pour l'avoir connu, puisque le grand Johann Gottlieb était mort depuis 1814, au moins pour avoir eu l'honneur d'entendre parler son fils, Hermann, pendant un séjour en Prusse. De même, l'annonce avait dûment traité de philosophe cette néerlandaise. La philosophie et Mademoiselle Gobseck étaient inséparables. Mais au cours de cette sympathie entre une abstraction et une réalité, la première ne donnait guère, encore que la seconde put recevoir beaucoup. Le zèle de Mademoiselle Gobseck a évolué de la raison pure jusqu'à la raison pratique, n'avait d'égal que la résistance sourde opposée à ses efforts par sa lente cérébralité. Les thèses et les antithèses qui s'affrontaient dans son esprit ne se rencontraient nulle part ailleurs dans le champ de l'intelligence humaine et elle en tirait des synthèses qui étaient d'abord remarquables par la surprise qu'elle ne lui causait pas. Mais rien ne la décourageait. Mademoiselle Gobseck éprouvait à l'égard de la philosophie cette Liebe ohne Widerliebe, cette passion non partagée que l'on s'accorde à regarder comme incomparable, en sentiment comme en expression. Elle aimait à régler sa vie en tout temps d'après ses principes. Je veux dire, d'après les principes des maîtres. Elle se gardait de croire aux critériums trompeurs de ses sens, aux conseils néfastes de ses goûts, au fallacieux bavardage de ses opinions personnelles, et rien ne lui semblait véritable, légitime et digne de foi, qui ne reposât d'abord sur un enseignement. Sa paix intérieure était à ce prix. Les années 1836 et 1837 n'amenèrent aucun événement notable dans son existence. La petite ville, où elle passait des jours sans tristesse ni joie, et parfaitement exempte de surprises, donnait un horizon tranquille à ses méditations régulières. En 1838, elle fit un voyage en Prusse, voyage d'études et de perfectionnement, au cours duquel toute aventure lui fut, semble-t-il, épargnée. Ce préambule exposé pour l'instruction du lecteur, je me bornerai à transcrire les dernières pages du journal que j'ai sous les yeux, sans insister autrement sur ce qu'elle présente d'extraordinaire. 28 mars 1839. Mina est venue me voir ce matin, à 5h30. D'habitude, je ne la vois jamais avant le lever du soleil, bien qu'elle et moi travaillions de bonne heure. Je suis allée lui ouvrir, une chandelle en main, et mes cheveux sur le dos, dans une tenue où je n'aime pas me montrer. Mais je me coiffais et je ne l'attendais pas. Je lui ai dit « Qu'y a-t-il ? » Et elle m'a répondu « Ah, Esther !» Bien qu'inquiète, je l'ai fait asseoir, et je lui ai demandé si elle n'était pas malade, ou si son grand-père n'était pas plus mal, ou si peut-être la petite sœur... Mais il ne s'agissait pas d'elle. Il s'agissait de moi, hélas. Elle tenait deux volumes à la main et elle me les tendit en lisant. « Lis-toi-même. » Je lus, Honoré de Balzac, la femme supérieure, et je repris. « Qu'y a-t-il là-dedans ? » « Ce qu'il y a, répondit-elle, il y a que ces deux volumes contiennent trois romans et que dans le troisième, il est question de toi, sous les traits d'une fille perdue. » Elle m'avait dit cela si brusquement... Je me trouvais mal tout de suite, et je perdis conscience. Lorsque je fus de nouveau capable de l'entendre, Mina continuait. « Oui, oui, c'est affreux, mais il faut que tu lises, Esther, il faut que tu lises. C'est une Hollandaise, te dis-je. Elle s'appelle Esther, comme toi, Gobseck, comme ton père. C'est ton nom, c'est toi enfin, à toutes les pages de cet horrible livre. S'il continue de se vendre, ce roman de l'enfer, tu es déshonorée, ma fille. Comprends-tu? Il faut agir tout de suite. Aller à Paris, parler à l'auteur. » Miséricorde, quel malheur sur moi! Mina m'a montré quelques pages. Ce troisième roman s'appelle « La torpille ». Esther Gobseck, Esther Gobseck, en effet, c'est moi, c'est le nom de mon père. Et dans quelle compagnie, Seigneur! Dans quelle maison! Ah, mon Dieu, quel malheur sur moi! Mon Dieu, je n'y survivrai pas! Mon Dieu, faut-il avoir vécu comme je l'ai fait pendant 27 ans, selon la sagesse, et parfois auprès de quelle lutte avec mes penchants naturels? Faut-il avoir tout sacrifié aux fortifications de cette raison pure où je veux qu'habite mon âme et se cultive mon esprit? Faut-il avoir renoncé même aux félicités du mariage pour se voir à la fin souillé moralement, sali par un Français que je ne connais même point, traîné sous mon propre nom dans la boue du ruisseau de Paris? Ah, mon Dieu, quel malheur sur moi! Que faut-il faire à présent? Comment serais-je reçu par ce romancier si j'ose me présenter à lui? Sais-je seulement si je serais respecté chez un homme aussi débauché pour écrire ses infamies? Et puis, qui me dit que tout cela n'est pas une vengeance, une machination ourdie contre moi? J'ai des ennemis dans la ville, bien que je n'ai fait de mal à personne. Certains en veulent à ma famille, d'autres à ma fortune, d'autres à mon savoir. Et puis, le mal est fait. Paris, 12 avril. Je suis venu. En vérité, je ne sais pas ce que je fais ici, mais je suis venu. Mina le voulait pour mon honneur. Elle m'a dit qu'il était encore temps d'agir pour éviter un mal plus grave. Si du moins elle m'accompagnait, si je pouvais faire avec elle cette visite qui m'épouvante. Mais je suis seul ici dans cette ville, où mon nom, depuis 6 mois, est un nom infâme. 13 avril. Où demeure M. de Balzac? Comment me renseigner? Je suis entré ce matin chez son éditeur et j'ai posé la question. Un employé m'a dit « Qui êtes-vous ? » Et comme je n'osais pas me nommer, il m'a répondu assez grossièrement. « Ah, alors une créancière. Eh bien, si on vous demande l'adresse de Balzac, vous direz que vous ne le savez pas. » Je suis parti. À mon hôtel, on ne connaît même pas le nom de ce monsieur. Il n'est pas si célèbre que Mina me l'avait dit. Et cependant, ses romans sont chez tous les libraires. J'ai vu ce soir La Torpille au Palais-Royal, et je me suis enfui en me cachant. Il me semble toujours que les passions me dévisagent, qu'ils me reconnaissent dans ces rues. 15 avril. Enfin, je sais. Monsieur de Balzac, au Jardy, Sèvres, sur la route de Ville-d'Avray, après l'arcade du chemin de fer. J'irai demain matin de bonne heure, pour être certaine de le trouver chez lui. Ah, aurais-je assez de courage? 16 avril, midi. Je ne crois pas que l'on se soit moqué de moi, mais quel homme singulier que cet écrivain! À 7 heures, j'avais pris au carrousel l'omnibus de Sèvres, et je m'étais fait arrêter à l'arcade de Ville-d'Avray. J'ai trouvé sans peine la maison. Elle est située à mi-côte d'une colline, sous un parc, en plein midi, devant une admirable vue. Partout des bois, des forêts, des vallons. La brume du matin était si fraîche et si douce autour de moi que je me sentais pleine de vaillance et décidée à être forte lorsque j'ai sonné à la grille. Un domestique m'ouvre. « Monsieur de Balzac ?»« Monsieur vient de se coucher. »« Il est souffrant ?»« Non, madame. Monsieur se couche tous les jours vers 8 heures du matin. Monsieur travaille la nuit. » Vraiment, je ne crois pas qu'il se soit moqué de moi. À Paris, on ne voit guère d'existence normale. Tous ces Français sont de tels originaux. « Madame peut revenir à 6 heures du soir, » m'a dit le domestique, « si madame tient à voir monsieur. » Je reviendrai donc, mais cette journée d'attente me fait mal aux nerfs, m'enlève toute mon énergie. Maintenant, j'ai peur, je suis épuisée d'impatience et d'appréhension. 16 avril, soir. Si cette journée n'est pas un rêve, je resterai folle ou j'en mourrai. Je ne comprends pas moi-même comment j'ai le courage d'en écrire le récit après l'avoir vécu. Mais il n'importe, j'écris machinalement, sans voir, dans un bourdonnement cérébral qui emporte ma raison. Je suis entré chez cet homme à 6 heures. Je crois. Je ne sais plus. Ah, pourquoi Mina m'a fait-elle lire ces pages que peut-être j'eusse ignorées? Pourquoi le destin s'acharne-t-il sur ma tête? Ah, pauvre moi, pauvre moi! Le domestique m'avait demandé qui annoncer. J'ai donné mon nom. J'espérais qu'ainsi M. de Balzac saurait tout de suite quel était l'objet de ma démarche. Pendant 5 minutes, je suis resté seul dans une antichambre qui n'avait pas de siège. Les 4 murs en étaient blancs, et sur le plâtre, on avait écrit au charbon « Ici, une fresque par Delacroix. Ici, un bas-relief de Rude. Ici, une tapisserie des Gobelins. » Je ne sais quoi encore. Il me vint à l'esprit que j'étais chez un fou. Mais non, ce n'est pas lui qui est fou. C'est moi qui suis folle ce soir. Lui, il a raison. Il a toujours raison. On a ouvert une porte. J'ai fait 3 pas. Je n'ai vu personne. Et puis, soudain, une voix terrible m'a crié du fond de la pièce. « Qui vous autorise, mademoiselle, à prendre le nom d'Esther Gobseck ?» Ah, cette voix, elle résonne encore dans ma pauvre tête en démence. J'ai levé les yeux. Un homme était devant moi, gros et laid, et cependant superbe, avec de longs cheveux droits, comme j'en ai vu porter aux étudiants prussiens. Il était debout derrière un bureau où il y avait bien 10 000 feuilles de papier, plus mêlées, plus houleuses que les flots de la mer, et par-dessus cet océan, il me regardait, avec des prunelles noires que je voyais luire jusqu'à moi, bien qu'il me tournât le dos à la lumière du jour. « Ah, monsieur !» murmurai-je, presque défaillante. Les mots mouraient sur mes lèvres. Il frappa du poing le bois de son bureau et répéta plusieurs fois « Qui vous autorise ? Qui vous autorise ?» Alors, je ne sais plus comment, j'en trouvais la force, mais je réussis à murmurer « Monsieur, je suis Esther Gobseck !» Il porta tout son buste en avant, me foudroya d'un regard que je ne pus soutenir, et partit d'un éclat de rire qui secoua les murs comme la commotion d'une bombe. « Vous !» dit-il, « vous, Esther Gobseck !» J'inclinai la tête. « Mademoiselle, reprit-il plus calme, cette plaisanterie est détestable. Si vous voulez me cacher votre identité, libre à vous. Prenez un pseudonyme, ou ne vous nommez point, mais ne ravissez pas le nom d'une autre. Le nom est la propriété la plus sacrée que possède une personne humaine. » D'une main tremblante, j'ouvris ma serviette portefeuille et je lui tendis mon passeport où mon signalement se trouvait exposé. « Prenez en connaissance, monsieur. Les pièces sont signées du bourgmestre. » Il lut, relut, dit à plusieurs reprises « Étrange, curieux, singulier. » Puis il me considéra longuement, et de pâle que j'étais, je devins extrêmement rouge. « C'est en règle, » dit-il enfin. « Il n'y a rien à dire. Vous êtes Esther Gobseck, si extraordinaire que cela puisse sembler. » Il chiffonna un papier qu'il jeta dans une corbeille, s'assit et se retournant soudain vers moi. « Alors, vous allez me donner tout de suite un renseignement dont j'ai besoin. De quoi se composait le mobilier de votre chambre à coucher lorsque vous êtes entrée à l'opéra comme petite danseuse ?»« Petite danseuse ? » m'écriai-je révolté. « Mais monsieur, je n'ai jamais été petite danseuse. Je suis philosophe fichtiste. » Furieux, il frappa de nouveau le bois du meuble. « Mademoiselle, je vous répète que cette facétie est déplacée. De 2 choses l'une. Ou bien vous n'êtes pas Esther Gobseck, et c'est ce que j'ai cru tout d'abord, ou bien vous êtes Esther Gobseck, vous êtes la torpille. » « La torpille, c'est moi ? » balbutiai-je égaré. « Mais bien entendu, et la torpille n'est pas philosophe fichtiste. » Après un instant de silence, il étendit sa main dans ma direction et me dit les choses stupéfiantes que je vais essayer d'écrire si j'en ai encore la force. L'autorité de sa voix était telle que je ne l'interrompis à aucun moment. Vous êtes né en 1805, de Sarah Van Gobseck et de père inconnu. Votre mère, ruinée par Maxime de Treille, est morte assassinée par un officier dans une maison du Palais-Royal, au mois de décembre 1818. À cette date, vous aviez 13 ans, et depuis plusieurs années déjà, guidé par votre mère Sarah, vous meniez la triste vie des petites prostituées impubères. C'est alors que vous êtes entré à l'opéra. Plusieurs habitués vous entretenaient, parmi lesquels Clément de Lupeau. J'aurais bien besoin de savoir quel fut le mobilier de votre chambre à coucher vers cette époque. Mais puisque vous ne voulez rien dire, passons. En 1823, on complote de vous envoyer à Issoudun, chez le vieux Jean-Jacques Rouget, sur le point d'épouser sa bonne, et que l'on voudrait, grâce à vous, détourner de ce mariage indigne. Le projet ne réussit pas. Je passe encore sur les embarras d'argent qui attristèrent votre 18e année, embarras qui vous oblige à un expédient honteux. À la fin de l'année 1823, vous rencontrez par hasard Lucien de Rubempré, au théâtre. Vous le recevez dans votre appartement, situé rue de Langlade. Vous l'adorez, il vous aime, et je ne vous apprendrai point comment, par l'entremise de Vautrin, le baron de Nucingen fait votre fortune et celle de Lucien tout ensemble. Maintenant, écoutez-moi bien. Je l'écoutais au comble de l'horreur. Nucingen vous est odieux. Il a 38 ans de plus que vous. Il est antipathique et même répulsif. Vous le subissez avec une aversion croissante. Écoutez-moi bien. Le 18 mai, après une soirée donnée en son honneur, vous absorbez une perle noire contenant un topique javanais et vous mourrez instantanément. Tel est le sort que je vous réserve. Hélas, je tremblais comme une feuille. Comment le savez-vous, monsieur ? Bégayai-je. Comment je le sais ? S'écria-t-il. Quelle inepte question ! C'est moi qui vous ai faite. 17 avril. Ma raison revint peu à peu. Maintenant j'y vois clair. La situation s'illumine. C'est la lutte de deux certitudes entre elles, et pas autre chose, pas autre chose. Je crois que j'ai 27 ans, que je suis né à Maastricht en 1812, et que je porte le nom de mon père, et que j'ai toujours vécu en honnête fille. Mais au fond, quelle preuve ai-je de cela ? Aucune. Je ne me fonde ni sur un principe rationnel, ni sur une vérité d'expérience, ni sur une sensation, pour affirmer que telle est ma vie. Je ne puis donc examiner que deux représentations pour arriver à la connaissance adéquate de mon passé, mon propre souvenir ou le témoignage d'autrui. Or, dans le cas actuel, ce sont des représentations antagonistes. Reste donc à déterminer laquelle des deux primera l'autre. Eh bien, je me sens encore mentalement trop atteinte pour accorder la suprématie à ma certitude personnelle. L'homme qui m'a parlé hier me domine, je n'en puis douter. Considérer son esprit comme inférieur au mien serait de ma part une insigne niaiserie. La clairvoyance a été la lumière de ma raison égarée. J'ai vécu ces jours-ci dans une hallucination dont je n'avais même pas conscience et qui, par un phénomène inexplicable, m'a donné des souvenirs fictifs au moment où je perdais mes souvenirs conformes. Ma personnalité s'est dédoublée si complètement que je ne puis pas savoir à quelle date exacte s'est fait la métamorphose de mon moi, car je ne trouve à mon service qu'une mémoire faussée de fond en comble. Je me sens vivre dans l'état mental du rêve, acceptant comme vraisemblables des événements chimériques et toute une longue suite de souvenirs que M. de Balzac, par son témoignage formel, réduit à néant. 18 avril. Ainsi, je suis une de ces femmes. Mon Dieu, je ne m'en doutais guère. Je ne voyais pas la vérité. Mais quelle folie de la nier! Quelle folie! Ma sensation intervient pour corroborer les témoignages. Je ne suis pas physiquement pure. Ma chasteté n'est qu'intellectuelle. J'ai les sens impérieux d'une courtisane. Mon corps est brûlé d'un feu intérieur. Comment le nier, hélas! Et toutes mes faiblesses, et toutes les faiblesses de ma volonté. 19 avril. Ce soir, je suis sortie pour accomplir mon destin. Mais quelle étrange métamorphose est la mienne! J'ai totalement oublié mes habitudes premières. La seule pensée d'y revenir m'effarouche, et la timidité m'étrangle au moment d'articuler un mot. Un inconnu, que j'ai osé aborder, m'a prise sans doute pour une mendiante, car il m'a jeté 50 centimes et ne m'a pas invité à le suivre. Peut-être n'ai-je pas le costume, peut-être aussi n'ai-je pas la voix. 5 mai. La fin approche. La fin de ma pauvre destinée. Je sais bien, quoique je n'ose pas l'écrire, je sais trop bien pourquoi le 13 mai prochain, comme l'a prédit M. de Balzac, je passerai de la vie à la mort en avalant une perle noire. Une perle noire, contenant un topique que javanais. Où la trouver, cette perle noire qui renferme l'éternité? Je vis de boutique en boutique chez les pharmaciens, chez les herboristes. On m'offre des poisons, mais pas celui-là. Oh Dieu, l'horrible vie, et que la mort me sera douce. Je veux un topique javanais, un topique javanais dans une perle noire. Monsieur le Balzac l'ordonne ainsi. Le manuscrit s'arrête là. Suivent 41 pages blanches. Fin de La fausse Esther de Pierre Louys, lu par Isaade, quelque part en France, en 2021.